Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Ah, les grandes découvertes, une aventure humaine qui a de quoi nous faire rêver, c'est palpitant, l'évasion, les voyages. Nous nous imaginons embarquer sur un navire, évidemment, un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau. ICO, 18 nœuds, 400 tonneaux, nous sommes fiers d'y être matelots. Les grandes découvertes sont un moment exceptionnel de notre histoire quand soudain, au sortir du Moyen-Âge, des hommes ont quitté l'Europe pour partir explorer le monde, ICO. Oui, mais voilà, les historiens et les historiennes portent un nouveau regard sur cette notion de grande découverte, car elles ne furent pas soudaines, elles n'ont pas été qu'européennes, elles ne sont pas uniquement masculines et leur motivation est souvent éloignée de l'envie de découvrir. Quand les navires partent explorer le monde, l'appropriation était le plus souvent une valeur ICO. Alors ce matin, dans le cours de l'histoire, nous sommes tranquilles, au frais, Hugo Frey bien sûr, sur un fameux trois-mâts, tiens bon la vague, tiens bon le vent, et nous portons un nouveau regard sur les grandes découvertes. Et oui, cette semaine, le cours de l'histoire sur France Culture s'intéresse aux grandes découvertes, une notion un peu datée sur laquelle les historiens et les historiennes portent un nouveau regard quand explorer rime avec s'approprier. Des émissions qui peuvent être écoutées en ligne sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast. Vive le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un ouvrage, L'exploration du monde. Une autre histoire des grandes découvertes, un ouvrage sous la direction de Romain Bertrand, avec pour coordinateur trois invités qui sont aujourd'hui avec nous sur France Culture. Isabelle Elandona, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Guillaume Calafa, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et Hélène Blais, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et avec vous trois, nous allons parler de cette notion de grande découverte. Une notion qui est efficace, parce que dès qu'on dit grande découverte tout de suite, ça évoque quelque chose, mais une notion qui est aujourd'hui rediscutée. Et à la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien. Anaïs Quien, qui assure également la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien, qui viendra avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter Michel de Certeau dans son avant-propos à la seconde édition de l'écriture de l'histoire, c'était en 1975. Michel de Certeau qui nous est lu ce matin en direct par Mélodie Auru. Amerigo Vespucci, le découvreur, arrive de la mer. Debout, vêtu, cuirassé, croisé, il porte les armes européennes du sens et il a derrière lui les vaisseaux qui rapporteront vers l'Occident les trésors d'un paradis. En face, l'Indienne Amérique. Femme étendue, nue, présence innommée de la différence, corps qui s'éveille dans un espace de végétation et d'animaux exotiques. Scène inaugurale. Après un moment de stupeur sur ce seuil marqué d'une colonnade d'arbres, le conquérant va écrire le corps de l'autre et y tracer sa propre histoire. Il va en faire le corps historié, le blason de ses travaux et de ses fantasmes. Ce sera l'Amérique latine. Merci Mélodie Auru pour cette lecture. Merci aussi Michel de Certeau. Le conquérant va écrire le corps de l'autre. C'est vrai que c'est une lecture différente des grandes découvertes. Je voudrais demander directement à nos trois invités, mais qu'est-ce que les grandes découvertes? Parce que c'est quelque chose que l'on croise régulièrement. C'est vrai, hein, dans les manuels scolaires, on dit les grandes découvertes. Alors que dès qu'on parle de ces choses qui sont sur un temps plus ou moins long, il faut le définir, sinon on ne sait pas où on va. Isabelle Elandonas, qu'est-ce que ces grandes découvertes? C'est ce qu'on appelle un chrononyme, pour faire savant. Non, mais ça le fait comme bien. Les années folles, la guerre froide. Voilà, donc c'est une manière de désigner une séquence qui, du coup, relie des dates entre elles de façon plus ou moins pertinente. Et cet ouvrage a un peu pour but de déconstruire justement cette séquence que construit le chrononyme, je crois. Oui, l'exploration du monde, une autre histoire des grandes découvertes, c'était publié au Seuil. C'est ça, hein, ce sont des dates. Ces grandes découvertes, on peut les situer où à peu près ? Guillaume Calafa, vous les mettriez où, ces grandes découvertes ? Parce que souvent, on dit Christophe Colomb, donc on voit allez, une fin 15e, 16e siècle, quoi, globalement. Alors là, vous reprenez effectivement le chrononyme classique, c'est-à-dire qui situe les grandes découvertes au 15e, au 16e siècle, avec deux grands mouvements d'expansion ibérique, portugaise et espagnole. Et de fait, on l'associe aussi à un certain nombre de grands voyages, celui de Colomb, celui de Vasco de Gama en 1498 vers l'océan Indien, et bien sûr, ce qui suit, Vespucci, on l'a entendu, puis jusqu'à Cortés, dans les années 1520. Donc ce mouvement qui du 15e au 16e siècle a été aussi lu par l'historiographie au 19e siècle comme précisément une séquence faisant sens. Oui, il faut vraiment souligner que nous connaissons très bien tous ces noms, tous ces lieux, vous en avez cité quelques-uns, Guillaume Calafa, mais c'est vrai, Christophe Colomb, on pourrait mettre Magellan, on pourrait mettre plein d'autres. Ce sont des lieux de mémoire dans notre esprit, puis on pourrait mettre les vrais lieux, l'Amérique, la découverte de l'Amérique. Tout ça, ça constitue un petit peu, on va dire, notre patrimoine historique commun. Ça a été construit comme ça, ces grandes découvertes, Hélène Blais. Oui, tout à fait. Alors, commun, peut-être pas si commun que ça. Et donc, c'est aussi ce qu'on voulait interroger dans ce livre, hein, l'imposition du chrononyme et de tout ce qu'il charrie, dit une histoire que l'on raconte, mais il y en a d'autres qu'on peut mettre en parallèle, en écho. Et voilà, d'où le titre « L'exploration du monde » qui tente d'ouvrir cette chronologie très, très stricte et très européocentrée. Pour faciliter le vocabulaire de cette émission, j'ai envie de vous demander quelque chose. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'expression « grande découverte » ? C'est mal ou ça passe encore ? C'est pas là pour faire de la morale et vous taper sur les doigts, Xavier Maudu, me semble-t-il. Je ne sais pas si c'est mal ou si c'est bien, ça dit quelque chose. Et ce que fait cet ouvrage, c'est d'essayer d'un peu de déconstruire, étant entendu que quand on parle de grandes découvertes, et plus récemment, on a essayé de relier ça, par exemple, au Moyen-Âge, et donc de faire du XIVe siècle, voire du XIIIe siècle, de Marco Polo, des franciscains qui partent vers les canats mongols, les ancêtres, voilà. Donc c'est une espèce de pensée généalogique, libre à vous de l'employer si cela vous chante. Bon. Ça parle aux gens d'une certaine manière, encore que il n'est pas toujours démontré que ça leur parle dans le sens que vous dites. J'ai fait le test avec mes étudiants. Donc, ça donne quoi avec vos étudiants? Les grandes découvertes, ça peut signifier mille choses pour eux. Marcher sur la Lune, les progrès de la science, etc. Et pas du tout le chrononyme que j'évoquais précédemment. Donc, c'est assez étonnant. Et vous évoquiez aussi les programmes scolaires. Je crois que ça n'en fait plus guère partie, enfin, il me semble. Donc, c'est une notion qui n'irrigue plus les programmes scolaires. Mais les gens de ma génération ont eu droit à ça. Peut-être Hélène et Guillaume, qui sont plus jeunes, n'y ont pas eu droit. Je ne sais pas. Si, tout de même. On y a eu droit. Après, on utilise les guillemets pour montrer qu'on sait que c'est aussi une séquence savante et pas nécessairement un mouvement qui a sa propre cohérence. Donc, vous pouvez l'employer, vous pouvez mettre quelques notes de bas de page. Le mot découverte est un mot du 15e et du 16e siècle pour désigner aussi ces grands voyages, mais pour désigner aussi des mécanismes d'appropriation spécifiques. Le grand, en revanche, les grandes découvertes, là, c'est quelque chose d'autres. C'est précisément le moment où on en fait un grand mouvement d'expansion européenne. Et un grand récit. C'est vrai que cette notion de grande découverte, on la sent complexe. D'ailleurs, l'ouvrage s'intitule L'exploration du monde, ce qui est complètement différent. Cette notion de grande découverte, pourtant, on vient de le dire, a drainé les reportages, les manuels scolaires par le passé. Et donc, nous sommes vraiment héritiers de ce qu'on nous avons appris à l'école. Donc, c'est encore dans la tête beaucoup de gens. Et le 31 octobre 1950, sur la radiodiffusion française, Le siècle en marche, le mot est très beau, beau titre d'émission, Le siècle en marche s'intéressait justement à ce mouvement. Et là, je crois qu'on disait sans problème, grande découverte plutôt qu'exploration du monde. La découverte de la Terre est un effort commun. Nous partageons également la gloire des découvertes et l'amertume des échecs. Il y a 40 ans, deux hommes luttaient pour la conquête du dernier trophée géographique à leur portée, le pôle Sud. Amundsen l'atteignit le premier. L'anglais Scott, après avoir marché 79 jours dans la neige et le vent, vit flotter au milieu d'un désert blanc le drapeau norvégien. Mais il avait un mois de retard. Un mois. Quelques battements de temps dans l'histoire de notre planète. Scott et ses compagnons ne revinrent jamais. On dressa pour eux une croix sur les terres polaires. Un drapeau, des hommes qui meurent à la tâche, c'est l'histoire de la découverte de la Terre. C'est l'histoire de la pensée des hommes qui cheminent à travers le monde. Hélène Blais, vous êtes d'accord avec cette analyse de 1950, le siècle en marche. La découverte, c'est aussi l'histoire des hommes, c'est ça qui motive l'histoire, cette lecture-là. Oui, gloire et amertume, hein, être le premier, c'est une histoire, hein, et on peut la raconter comme ça, mais on manque sans doute quelque chose. Donc ces hommes qui partent vers les déserts blancs, hein, ils sont souvent accompagnés, et donc c'est ce que les historiennes et les historiens ont montré récemment. Il y a du monde, alors au pôle sud pas vraiment, mais en général il y a des gens qui sont sur place, hein, qui sont découverts, mais qui découvrent aussi ce qui arrive. Et donc voilà, tout cela, non, c'est, la question n'est pas d'être d'accord ou pas d'accord, mais plus de le dire autrement. Voilà, de le constater, mais c'est vrai qu'Hélène Blais, vous dites il y a du monde peut-être pas au pôle sud, mais quoique, parce que pour construire un bateau, il faut du monde, c'est-à-dire que ces découvertes ou ces explorations s'inscrivent dans un monde beaucoup plus large, une économie beaucoup plus importante qui doit être intégrée à l'analyse. Guillaume Calafa, c'est important aussi de mettre ces découvertes, ces explorations avec une vision beaucoup plus large. Oui, c'est je crois ce qu'on a essayé de faire, y compris justement en étendant la chronologie, en essayant de voir des zones et des moments de contact, pour voir aussi comment circulait un certain nombre de techniques, un certain nombre d'idées, même si dans cet ouvrage, on ne trouvera pas précisément des grands seuils, des grands moments de bascule, etc. On a gardé, comme on vous l'avait dit, des moments attendus d'une certaine façon, mais on a essayé aussi de prendre quelques détours, des lieux peut-être moins battu par l'histoire et l'historiographie, afin de répondre justement à ces questions et essayer de donner des points de vue multiples sur ces événements. Oui, parce qu'on peut lire, enfin, dans le sommaire, on voit tout sont possibles. Et c'est ça, et le contraire même. Parfois, c'est là où ça va très loin, parce qu'on a de l'évidence, comme vous disiez, hein, Guillaume Calafa, la mort de Magellan. On voit très bien ce qu'est la mort de Magellan. Mais enfin, le Maroc reconnaît l'indépendance des États-Unis, ça c'est autre chose. Le Japon découvre la Russie, ça c'est encore autre chose. Et on a tout un jeu comme ça qui est fait avec différentes échelles, différents regards aussi. Et c'est la construction, en fait, ou c'est le regard porté par les historiennes et les historiens sur ce moment particulier, sur l'exploration du monde. C'est un jeu, en fait, de regard, et pour le moment, j'ai envie de dire qu'il n'y avait qu'un seul regard, c'est le regard des Européens sur le monde. Et la volonté aujourd'hui, c'est de regarder un peu différemment, c'est bien ça ? Alors oui, et surtout de globaliser en quelque sorte la perspective en faisant droit à des initiatives qui existent à l'autre bout de la planète, dans un sens qui n'est pas forcément celui de l'Europe. Ce livre essaye de montrer justement par un certain nombre de notices qu'il existe des gens qui parcourent le monde à peu près d'ailleurs en même temps que certains Européens. Hein. Pour la période médiévale, c'est assez frappant de voir qu'au moment où Marco Polo est encore chez Kublai Khan, Rabban Barsoma, qui est un moine des montagnes de Pékin, arrive chez Philippe le Bel, passe par Gênes, et d'ailleurs a dans son ambassade un génois. Et donc l'idée est de montrer que il y a des formes de circulation de plus ou moins fluides, hein, plus ou moins chaotiques, avec des couloirs de communication qui ne sont pas forcément très pacifiques ou très pacifiés perpétuellement, mais que cette histoire ne doit pas être totalement enclavée dans une perspective européenne. Alors, bien sûr, pour ce qui concerne le Moyen-Âge, on le dit depuis longtemps, hein, qu'on parle de missionnaires. Bon, donc voilà, qui vont sur les routes d'Asie pour essayer de convertir les Khans mongols. Je crois pas que ce soit exactement la question de la conversion qui soit essentielle dans cette affaire, mais il y a des connexions. Et ce livre essaye, enfin je crois, je parle sous l'autorité aussi de mes camarades, de montrer des formes de coïncidence pour créer une autre histoire, comme le dit à juste raison le titre, que peut-être nos contemporains ne connaissent pas. Oui, il y a aussi cet aspect-là, hein, Isabelle Landonna, vous avez raison de le dire, faire découvrir des choses que l'on ne connaît pas, ou bien souvent qui est laissé en marge, simplement par le regard porté et se mettre, eh ben, juste ailleurs. Guillaume Calafat. Oui, de ce point de vue, ce n'est pas, comme le dit Romain Bertrand aussi dans l'introduction, un contre-récit qu'on cherchait à proposer. C'était pas une remise en question des voyages qui ont eu lieu et de ce que l'on sait aussi des conséquences de ces voyages. C'était précisément faire une autre histoire pour montrer aussi un état des connaissances aujourd'hui sur un certain nombre de ces connexions, de ces voyages. Et ce livre compile d'une certaine façon ce qu'on est capable aujourd'hui d'écrire. Et de ce point de vue, il est une étape. Il n'est pas du tout définitif. Il y a énormément de blanc encore à combler et d'autres histoires à raconter. Et c'est ce qu'on espère aussi motiver chez nos collègues, chez nos étudiants plus généralement chez le lecteur. Bah oui, chez le lecteur, chez tous les gens passionnés d'histoire. Et justement, Romain Bertrand, dans l'introduction qu'il rédige de l'exploration du monde, dit « Il en va des grandes découvertes comme de ces messieurs des villes venus démarcher en souliers vernis dans les campagnes. L'expression éveille le soupçon réservé aux êtres et aux énoncés trop polis pour être honnêtes. » Il y a aussi cette volonté-là, dans la démarche que vous avez tous les uns les autres sur cette réflexion autour de l'exploration du monde, de casser les idées reçues. C'est aussi un des travaux de l'historien, casser les idées reçues. Hélène Blais, pour les grandes découvertes, on vient de l'évoquer, le regard de l'autre, et notamment, il n'y a pas que des découvertes des Européens. Qu'est-ce qu'il y a encore à démonter ? Alors, peut-être que je donnerai quelques exemples pour qu'on comprenne ce qu'on a fait. Par exemple, sur le début du 19e siècle, on raconte Humboldt, on raconte René Caillé à Tombouctou, mais on a aussi un beau texte, par exemple, de Laila Dakli qui rappelle qu'en 1826, on a un clerc égyptien qui arrive à Paris, Rifaal Tartawi, et qui décrit les Parisiens avec un grand étonnement parce que leurs mœurs sont vraiment étranges. Quelques années après, on sait que Barthes est en train d'explorer l'Afrique. Cette histoire est très connue. Ce que l'on sait moins, c'est que Dorogou, un ancien esclave dont parle Camille Lefebvre, va être là avec lui, l'aider, lui apprendre les langues, le former au Haoussa. Et donc, cette manière de raconter l'histoire, c'est de comprendre comment se croisent, ou pas d'ailleurs, ces regards. Et voilà, je pense que c'est ça qui était nouveau dans ce livre et qui n'est possible que parce que c'est un livre collectif aussi. Oui, c'est un livre collectif avec vraiment, vraiment beaucoup de monde. Je sais pas, on les a pas comptés. Moi, je sais. 80. Wow, c'est super. 80 et des sacrés noms, Des sacrés noms parce que, effectivement, sur cette notion d'exploration du monde, on le voit bien, le regard de l'autre, étendre le champ de la réflexion autour de l'exploration, qui ne se limite pas à un bonhomme qui se dit « Tiens, je vais monter sur un bateau et je vais partir découvrir », c'est beaucoup plus complexe. Et puis après, il y a aussi la notion de motivation de cette exploration. Un extrait du film « The Lost City of Z », « Lost City of Z » qui raconte un peu les aventures de Percy Fawcett au moment de la création de la Société Géographique Royale d'Angleterre. Il part en Amazonie afin de cartographier les frontières entre le Brésil et la Bolivie. Il nous faut 3 radeaux pleins et 4 chevaux. C'est notre équipe. Vous nous avez dégoté une belle bande de loups. Ce sont les hommes les plus fiables qu'on puisse trouver ici, monsieur Costin. Nous sommes les seuls à les payer. Nous ferons 12 heures par jour, pas une de moins. Le fleuve sera notre demeure pendant les 2 prochaines années. Nous ne pouvons pas échouer. L'humanité attend après nos découvertes. L'humanité attend après notre découverte, The Lost City of Z. C'est un film de James Gray sorti en 2016, c'est récent, dites donc. Et là, on est encore dans l'idée de grande découverte. Il y a ça aussi pour les historiens et les historiennes, c'est d'être confronté quand même à une image qui est toujours la même, cette image de la grande découverte pour la civilisation évidemment européenne. Et c'est là aussi qu'il y a toute une remise en cause à construire. Isabelle Eulandena, allez-y. La phrase que vous avez sélectionnée, là, l'humanité attend notre découverte. Voilà, c'est exactement le contraire que nous essayons de promouvoir à l'initiative de Romain Bertrand, lequel a eu à cœur aussi de veiller à ce que les notices soient très diverses et parle de sources. Parce que peut-être avant de répondre à votre question plus précisément, ce qui est important, je crois, c'est de montrer au lecteur de façon assez plaisante compte, ah oui, si possible. Lecture agréable. Voilà, qu'il existe, que les, d'abord les historiens sont tributaires des sources, qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, n'importe comment, et que, comme le disait très justement Hélène, on est nombreux parce que il faut lire des sources dans des langues qui sont extrêmement variées, et l'intérêt, je crois, de ce livre, c'est aussi de nous sortir de, comment dirais-je, de textes qui sont dans des langues que les historiens occidentalistes, on va dire, maîtrisent, hein, donc voilà. Et donc de promouvoir un certain nombre de dates, d'auteurs, de voyages, d'explorations qui n'ont finalement d'accessibilité que pour des collègues qui maîtrisent aussi ces langues et les porter à la connaissance d'un public plus large, ce qui est toujours, je crois, intéressant. Oui, c'est... Guillaume Calafa. Et oui, pour revenir à Percy Fawcett, le lecteur pourra lire justement une notice dans le volume sur lui, qui complète en fait le film de James Whale, qui est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est une conquête de l'Amazonie assez trouble, où on voit justement le rôle des sociétés de géographie, de l'impérialisme britannique dans la région. Donc, le cinéma aussi dit quelque chose aujourd'hui de ces découvertes. Et on pourrait d'ailleurs jusqu'à aller au dernier film de James Whale, Ad Astra. On ne parle pas de la Lune, on ne parle pas de Neptune, mais je veux dire, c'est précisément aussi ces mouvements qu'on pourrait analyser. Et justement, c'est vrai qu'il y a un moment où se mettent en place ces grandes notions et celles de grandes découvertes. On est à un moment où le récit s'écrit, et ce récit avec les grandes découvertes est facile à faire. Ce récit est magnifique, il donne envie au lecteur. En préparant l'émission, Père Legras, donc qui réalise le cours de l'histoire, avec aujourd'hui à la technique Jean Guilin-Meige, eh bien Père Legras dit « Mais c'est étonnant cette histoire de grande découverte, moi ça me rappelle une autre grande découverte. » On l'écoute. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Le générique de la série télévisée Star Trek, mais là on est pleinement dans les grandes découvertes. À un moment il évoque la notion d'espace. Ça, c'est plus difficile, mais... Une fois enlevé la notion d'espace, on est complètement dans un récit que l'on pourrait trouver applicable à la découverte de l'Amérique, à la découverte de l'Asie, tel qu'on le disait au 19e siècle. À quel moment se met en place cette notion de grande découverte telle qu'on l'entend aujourd'hui et que vous êtes en train de remettre en question en parlant d'exploration du monde, Hélène Blais? Oui, alors c'est le début du 19e siècle et Humboldt en particulier, hein, qui vont des explorateurs qui s'insèrent eux-mêmes, hein, dans un grand récit, à la fois pour établir une filiation et puis pour montrer peut-être qu'ils vivent une époque nouvelle. Alors il s'agit pas du tout de remettre en cause la notion à ce moment-là, hein, mais de construire justement une grande histoire de l'exploration du monde. Oui, parce que Alexandre von Humboldt est un personnage extraordinaire parce qu'il n'est pas simplement explorateur, il pense beaucoup, il écrit beaucoup, il est influent aussi. Et sa lecture du monde va avoir des conséquences sur l'ensemble des récits, la manière dont il voit le monde. Oui, alors il le voit aussi avec ses lunettes de savant, hein, de ses instruments de mesure, et ça c'est peut-être quelque chose qui marque un tournant, la fin du 18e, les grands voyages autour du monde, hein, on est encore dans le grand là, l'ascension du Chimborazo par Humboldt en 1802, donc on a aussi une notice qui raconte cette histoire, hein, et qui raconte comment Humboldt tente de découvrir la limite, hein, la limite en altitude de la vie humaine, en notant que les Européens peuvent monter plus haut que les Indiens, hein, ce qui est aussi tout à fait intéressant et qui place quand même aussi Humboldt dans la continuité de ce grand récit. Nous avons évoqué le fait que ces grandes découvertes, j'utilise l'expression, quand elles ont lieu, hein, 15e, 16e siècle, prennent le prétexte de l'évangélisation pour justifier le fait de partir au loin. Je ne crois pas pour le 15e et le 16e siècle, je ne sais pas, je vais laisser mes camarades s'exprimer. Disons qu'au départ, Christophe Colomb, il ne monte pas sur un bateau pour aller évangéliser des individus qui ne... enfin, dont il postule l'existence. Enfin, on peut débattre de la question. On en parlera voilà, en plus. Parce que l'évangélisation, c'est vraiment quelque chose, à mon sens, qui n'est pas le moteur premier. Au départ, on cherche une route occidentale des Indes. Enfin, mais Denis Crouzet va nous en parler mercredi. Ah, lui, il a une autre lecture. Parce que Denis Crouzet, il voit une mission. Mais bien sûr, mais parce qu'on a écrit sur Colomb qu'il est pétri de franciscanisme, d'une certaine pensée eschatologique, ce qui est sûrement pas faux. Moi, je suis pas spécialiste de Colomb, mais en même temps, on peut pas postuler que toute l'organisation de l'expédition soit totalement dénuée de considérations plus commerciales, plus terre à terre. Enfin, je sais pas. Trouver des chrétiens et des épices. Oui, voilà, c'est ça. Les épices, Et les épices, effectivement, sont. Ce que je voulais vous dire, donc, c'est que sous couvert parfois d'aller pour trouver une légitimité qui soit vraiment présentable, de dire nous allons voyager pour évangéliser, il y a en réalité des considérations très matérielles, en gros une volonté d'appropriation qui souvent d'ailleurs est le moteur premier, appropriation d'épices, de routes, de réseaux. Isabelle Landonna, je ne vous sens pas convaincue dans ce que je dis. Corrigez-moi. Ça dépend de quelle période on parle. Voilà. Pour le Moyen-Âge, la question me semble pas réductible à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y a des flux commerciaux qui sont essentiel. Il y a des questions politiques aussi, de relations politiques. Quand les premiers religieux mendiants sont envoyés vers les Mongols, à part qu'il existe probablement déjà des flux commerciaux qui sont particulièrement intenses, enfin la route de la soie qui n'est pas une route, mais qui est une espèce de zone comme ça, plus ou moins définie avec une route terrestre, une route maritime, bon bref. Il y a des motivations commerciales. Ensuite, il y a des motivations politiques dans les contacts établis avec les Mongols, prendre à revers l'islam pour essayer ces Mongols qui sont pas encore musulmans, sauf qu'ils vont finir par se convertir assez rapidement à la fin du XIIIe, au début du XIVe. Donc voilà, et l'évangélisation, c'est quelque chose qui vient en plus. Les marchands italiens qui partent sur ces routes, qui se mettent, à Caffa ou à Tabriz, c'est pas leur but premier dans la vie. Hein. Ils font du business, si on voulait dire les choses de manière un peu triviale. Ensuite, le christianisme version romaine est une religion, prosélyte. Donc voilà, si on peut convertir, on est content de convertir. Il y a un certain nombre de voyages qui invoquent le lucrum animarum, le gain des âmes. Hein. Mais pour l'essentiel, la question c'est plutôt que faire des Nestoriens de tous ces chrétiens perdus, comment les ramener à la foi romaine, et pas de convertir des milliers et des milliers d'individus alors qu'ils partent à quelques-uns. Hein. Et donc je pense que la perspective n'est pas forcément exactement la même tout au long de la période fin Moyen-Âge, début de modernité. Hélène Blais ? Oui, alors peut-être que pour répondre à votre question sur le 19e, exploration et appropriation du monde sont évidemment liés. Hein, et donc ça, c'est quelque chose que l'on sait, sur lequel on revient. En même temps, ça ne veut pas dire que les motivations de l'exploration sont systématiquement l'appropriation. Et donc, ce qui est travaillé dans ces textes aussi, hein, c'est l'histoire des explorations sans déterminisme ou volonté théologique de toujours expliquer par... Hein, même si, encore une fois, le fait que encore soit découvert, entre guillemets, par Mouhot, devient un argument pour légitimer l'implantation au Cambodge, etc. Ça ne veut pas dire que lui, quand il y va, il n'y va que pour cela. Voilà, donc c'est cette petite nuance peut-être qui est intéressante à soulever et qui vaut pour toutes les périodes finalement. Hein. Il y a l'exploration et puis ce que l'on fait de l'exploration distinguer. C'est ça, c'est la construction d'une image. Guillaume Calafat, vous voulez rajouter quelque chose ? Et qui transforme aussi, d'une certaine façon, la façon dont on va écrire cette histoire des grandes découvertes, parce que les États nationaux et les historiographies des États vont aussi donner des séquences temporelles tout à fait différentes. Donc pour les grandes découvertes humboldtiennes, c'est la péninsule ibérique, 15e, 16e, Portugal, Espagne, mais dans l'historiographie hollandaise, anglaise, française, la séquence n'est pas la même, elle est souvent étendue. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, pour les États-Unis, le XIXe siècle est pris en compte, etc. Donc cela aussi joue un rôle important dans la dans la façon dont on conçoit la nation elle-même. Ben justement, ce matin, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à ce que signifie l'exploration du monde, comment elle se construit, comment elle se déconstruit aussi. Ce qui est certain, c'est que cette notion d'exploration fascine par le récit qu'elle porte. Elle fascine d'autant plus que nous étions jeunes et larges d'épaule. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Nous étions jeunes et larges d'épaule, bandits joyeux, insolents héros. On attendait que la mort nous fronde. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour, on quittait l'Irlande. Et derrière nous s'éclairait la lande. Il fallait bien un jour qu'on nous pende. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. La mer revient toujours au rivage. Dans les blés mûrs, il y a des fleurs sauvages. De passage on the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. Nous étions jeunes et larges d'épaules. On attendait que la mort nous frôle. Elle nous a pris les beaux et les drôles. On the road again, again. On the road again, again. Ami, sais-tu que les mots d'amour voyagent mal de nos jours. Tu partiras encore plus lourd. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. On the road again, again. Bernard Lavillier avec Jean-Louis Aubert, On the Road Again en version acoustique. C'est sublime ce matin dans le cours de l'histoire sur France Culture. Nous nous intéressons aux grandes découvertes, cette vieille expression un peu datée. Aujourd'hui, nous parlons plutôt d'exploration du monde avec cette question. Mais qu'est-ce que cela veut dire explorer? Compliqué, explorer. Parce que nous réfléchissons sur le temps long. Les explorations, ce n'est pas simplement le 15e, le 16e siècle. Nous réfléchissons dans le monde entier. Les explorations, ce n'est pas simplement quelque chose qui part d'Europe. C'est le monde entier qui est concerné. Nous réfléchissons sur la motivation de l'exploration. Ce n'est pas uniquement convertir. Il y a également, et bien souvent, du commerce. Il y a un aspect que nous n'avons pas évoqué. Les explorations, ce n'est pas uniquement quelque chose de masculin. Les explorations, c'est aussi quelque chose de féminin. Nous allons tout de suite en écouter un exemple avec une exploratrice, l'exploratrice d'aujourd'hui qui nous intéresse, mais je pense qu'on va en évoquer d'autres. C'est Mélodie Auru qui l'incarne. Cette exploratrice, c'est Isabelle Eberhardt. Éternelle féerie des soirs du Sud. Quotidienne. Et jamais pareil. Heure triste, presque angoissante. Tout à coup, on sent le désert s'assombrir et se refermer, comme pour garder à jamais les intrus. Sur le sentier qui longe le rempart, les femmes du Xar viennent à la fontaine de Sidi Mbarek. Dans l'illumination du soleil couchant, leurs voix l'ont des teintes d'une intensité inouïe. Les étoffes chatoient, magnifiées, semblables à des brocarts précieux. De loin, on dirait l'exorienne vêtue des soies les plus rares, brodées d'or et de pierreries. Conscientes un peu de leur grâce, ces femmes s'agitent, leurs groupes se mêlent et la gamme violente des couleurs change sans cesse, comme un arc-en-ciel mobile. Une forte odeur de peau moite et de cinnamon monte des groupes dans la tiédeur de l'air. Des hommes, nègres ou nomades, d'Ouémenia, Ouled Djérir, Ouled Nasser, viennent abreuver leurs chevaux. Tandis que les esclaves noirs rient et plaisantent avec les femmes qu'on ne daigne même pas leur cacher, les hommes du désert regardent celles-ci du coin de l'œil, avec de courtes flammes dans leurs prunelles fauves. Par des gestes à peine esquissés, par de brefs regards, nomades et femmes se comprennent et se font des promesses troublantes pour les heures propices des nuits. Là encore, je retrouve un peu de la poésie, des amours nomades qui, si souvent, finissent dans le sang. Les juives, moins surveillées, plus hardies, abordent librement les hommes, distribuent des œillades provocantes sous leurs paupières qu'ont rougi les fumées âcres des palmes sèches dans les échoppes noires du Mela. C'est l'heure libre et gaie, l'heure où, loin de l'autorité pesante des hommes, les femmes jasent et rient et jouent le jeu dangereux, le jeu éternel de l'amour. Isabelle Eberhardt, Sud-Oranais, c'était en 1904, mais ce matin, il nous est lu en direct par Mélodie Auru. Merci beaucoup, Hélène Blais. Qui est cette Isabelle Eberhardt ? Alors, c'est un personnage tout à fait fascinant aussi, hein, une très jeune femme. En 1904, elle a 27 ans et elle meurt. Donc, le texte que vous avez lu, elle l'écrit à 23-24 ans. Et c'est une jeune femme d'une famille d'aristocrates russes exilés en Suisse qui va avoir une éducation tout à fait particulière, hein, et élevée par un précepteur anarchiste qui la pousse à lire beaucoup. Elle est visiblement douée pour les langues. À 18 ans, elle en parle 7 ou 8, dont l'arabe couramment, et elle lit le Coran dans le texte. Elle est passionnée par tous les milieux orientalistes que l'on peut rencontrer en Europe, à Genève, mais aussi à Londres et à Paris à ce moment-là. Et elle va décider de partir au Maghreb, en Algérie principalement, en Tunisie, au Maroc. Il y a dans le livre, et je profite pour mentionner ces illustrations, à une belle photo d'elle. Ce sont des clichés assez connus, hein. Isabelle Eberhardt voyage vêtue d'un costume d'homme, comme beaucoup de voyageuses, on pourra y revenir, mais plus encore vêtue comme les gens qu'elle rencontre, hein. C'est-à-dire qu'elle est en cavalier arabe, avec son burnous, suivant les contextes, et elle va partir à la rencontre des gens. Donc on est dans une autre forme, hein, d'exploration que celle que l'on a évoquée jusqu'ici, mais c'est quelqu'un qui écrit, qui publie beaucoup dans la presse algérienne, dans la presse parisienne, et qui raconte une autre Algérie, hein, que celle que l'on a par les récits de guerre. On est dans une période où la colonisation est très rude encore, hein. Elle vit à la fin de sa vie, elle est dans le Sud-Oranais. Et ces textes, on les a parce que c'est tout le paradoxe aussi, hein. C'est Lyautey qui est devenu son ami, qui est là pour mater ce qu'il appelle des rébellions, hein, très, très, très puissantes, qu'elle couvre, elle, comme reporter de guerre, en critiquant vertement les méthodes. Mais c'est Lyautey qui, après l'inondation de sa maison et sa mort, va récupérer tous ces manuscrits pour tenter de les sauver, de les faire publier. C'est grâce au futur maréchal Lyautey donc qu'on connaît mieux Isabelle Eberhardt. C'est intéressant de voir cet autre regard. C'est vrai que la notion d'exploration couvre énormément de choses. Explorer le monde, c'est très vaste, et explorer le monde, c'est très long. Et là, la place de la femme est essentielle, et on le voit parce que souvent, c'est une vision très masculine, c'est l'aventure, une aventure masculine, alors qu'il y a énormément de femmes. Vous, Guillaume Calafa, vous êtes également intéressé à une femme, une autre femme. On est avec Jeanne Barret. Déjà, faut la présenter. Oui, Jeanne Barret est relativement connue pour avoir fait le tour du monde avec Bougainville, avec l'expédition l'expédition de Bougainville en 1768. C'est une jeune fille qui s'était travestie en homme pour continuer à pratiquer ce qu'elle savait faire, c'est-à-dire herboriser, classer les plantes avec celui qui était à la fois son maître et son amant, Philibert Commerson, qui était parti aussi dans l'expédition de Bougainville. Et donc, Jeanne Barré a affronté pendant les longs mois du voyage autour du monde et autour du Pacifique en particulier la présence de 200 matelots et a donc fait ce voyage tout à fait extraordinaire. Et dans la livraison que vous avez donnée, Guillaume Calafa, dans l'exploration du monde, justement nous évoquions la notion de source. Et pour un moment comme ça d'une jeune femme qui se travestit en homme qui est sur un bateau, nous n'avons pas beaucoup de sources. Mais au-delà même de l'histoire, par le fait même que seuls ceux qui sont présents sur le navire peuvent rapporter quelque chose, il y a toute une réflexion autour, et là on touche au sujet essentiel, de la notion de viol, de sauvage et d'équipage. Et c'est vrai que c'est un passage que vous donnez là, qui fait réfléchir sur comment se construit le récit d'une exploration. Oui, parce que il y a le récit publié de Bougainville qui donne une anecdote. Les Tahitiens auraient découvert Jeanne Barré à Tahiti avec des capacités en particulier olfactives spécifiques. Ils auraient découvert que c'était une femme. Il aurait de suite vu alors que les hommes d'équipage auraient été trompés pendant de longs mois, etc. Quand on compare les différents journaux de voyage qui ont accompagné le voyage de Bougainville, et ils sont très nombreux de ce point de vue, il y a beaucoup de sources et les historiens qui ont travaillé sur Jeanne Barré ont pu bien montrer justement que ce récit de Bougainville était sans doute apprêté pour son lecteur, mais n'était pas en fait ce qui s'était passé véritablement. Et il est fort probable que Jeanne Barré ait été découverte avant, qu'elle ait été également agressée par des membres d'équipage. Et tout cela, eh bien, on le voit à travers en particulier les journaux manuscrits qui sont restés, qui ont été très bien conservés aux archives nationales. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'échappe pas sur cette réflexion sur l'exploration du monde. Là, Guillaume Calafa, vous nous parlez de Jeanne Barré, qui est quand même quelqu'un qui traverse le monde déguisé en homme dans ces conditions terrifiantes. Parce qu'il faut imaginer ce qu'est voyager sur un navire dans ces siècles difficiles où il y a beaucoup de gens, mais des conditions de vie très compliquées. Il y a quand même cette passion de l'aventure, et donc c'est très facile à reprendre pour ceux qui veulent faire du sensationnel autour d'événements historiques. C'est dur de s'en départir aussi. Oui, c'est assez difficile, et en même temps ça interroge vraiment notre rapport d'historienne et d'historien aux sources, parce que en fait ces femmes travesties dans les armées, dans les équipages des compagnies des Indes orientales, on en trouve beaucoup, et aujourd'hui il y a énormément de recherches qui se font pour montrer justement ce nombre extrêmement massif de soldates, de membres d'équipage travestis. Et ça dit quelque chose aussi de la façon dont on les a longtemps ignorés ou considérés comme anecdotiques, alors précisément qu'elles pullulent dans les sources. Donc, enfin, j'exagère peut-être un peu la quantité, mais tout de même, aujourd'hui, les spécialistes de la compagnie des Indes orientales néerlandaises trouvent énormément de ces femmes travesties, etc. Ça dit aussi quelque chose du XVIIe et du XVIIIe siècle où les identités de genre n'étaient pas assignées directement sur les sexes. Alors, des explorations qui dépassent le cadre chronologique de celui qu'on connaît du 15e, 16e siècle et de Christophe Colomb, des explorations qui ont d'autres motivations uniquement que de dire on va découvrir le monde, qui investissent une économie beaucoup plus vaste, où il y a des femmes. Ce matin, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous n'allons pas régler cette question de ce que signifient les explorations et les grandes découvertes. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'elles doivent être toujours comprises dans leur contexte. Et le contexte actuel remet en question cette notion d'exploration. Discours du président mexicain en mars 2019. Enviamos cartas tanto al rey de España como al papa Francisco. Nous avons envoyé deux lettres, l'une à la couronne espagnole et l'autre au pape François, pour les inviter à évoquer ensemble l'invasion militaire, les trois siècles de colonisation, ainsi que les 200 ans d'indépendance du Mexique. Cela pour faire un rappel historique, mais surtout pour faire reconnaître les atrocités subies par les peuples autochtones. Ce ne fut pas seulement la rencontre de deux cultures, ce fut une invasion, durant laquelle ont été commis des actes d'autoritarisme, d'asservissement. Des milliers de personnes furent assassinées. Une culture et une civilisation furent imposées à d'autres. Des églises ont été édifiées sur les temples. Les pères de notre patrie furent excommuniés. Nous ne pourrons pas, nous autres, commémorer les 500 ans de la conquête de Tenochtitlan sans que tout soit dit. Le roi d'Espagne et le pape François l'ont déjà fait, en Bolivie. Nous voulons la même chose pour le Mexique. Le président mexicain qui écrit au roi d'Espagne en mars 2019 pour demander des excuses. Alors des excuses, et c'est vrai que c'est compliqué, mais il le dit lui-même, des excuses pour la violation de ce qu'on appelle aujourd'hui les droits de l'homme. C'est vrai que dès que l'on étudie l'exploration du monde, et là en l'occurrence c'est le cas aux éditions du Seuil, une autre histoire des grandes découvertes, on est tout de suite sur des problèmes très contemporains. Alors l'historien, lui, s'en détache, mais les constate. Vous le constatez vous-même en étudiant ces questions-là, Guillaume Calafat ? Là, c'est une question évidemment qui pose le rapport entre mémoire et histoire aussi, mémoire des conquêtes et conséquences aussi de l'exploration sur les économies du monde entier. Et de fait, là, il y a des choix politiques en tant qu'historien qu'on peut faire, notamment en défendant les réparations ou pas, en posant la question des conséquences économiques directes. Du point de vue du droit, ce qui est très intéressant, je crois, c'est que précisément, vous avez évoqué les droits de l'homme, au XVIe siècle, qui accompagne le mouvement d'expansion ibérique, il y a une formulation des droits naturels de communication, de contact, d'appropriation, de propriété, qui changent de manière radicale et qui sont à la fois la matrice des droits de l'homme, si on fait une longue histoire par exemple du droit naturel, mais aussi qui ont été des outils puissants de la conquête et de l'appropriation des terres du monde entier par les Européens. Et donc ce double mouvement, cette dialectique, cette ambivalence, je crois, est intéressante à étudier. Oui, c'est ça. On peut pas rejeter du revers de la main en disant mais non, il y a anachronisme. Il y a analyse qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que par les siècles passés, il y avait malgré tout déjà une réflexion sur les droits humains. On parlait pas de droits de l'homme. Il y avait une réflexion sur ce qu'était l'appropriation. Hélène Blais. Oui, il y a une réflexion qui est effectivement toujours d'actualité. Ce qu'on n'a peut-être pas dit encore, c'est que beaucoup de ces explorateurs ont ramené des objets aussi, hein, des objets, des œuvres d'art, des manuscrits qui peuplent les musées, les archives et les bibliothèques européennes. Et on sait aujourd'hui, hein, quelle actualité a cette question et cette demande de restitution. La thématique n'est pas au cœur de l'ouvrage, mais c'est aussi une manière, hein, de donner des éléments, peut-être, pour avancer dans cette réflexion. Merci beaucoup, Hélène Blais. Merci beaucoup, Guillaume Calafat. Isabelle Landonna, vous avez évoqué les routes de la soie, et là aussi, on est complètement dans l'actualité. On les voit réapparaître souvent. Donc maintenant, nous allons faire attention à l'utilisation de l'expression « grande découverte », sauf dans un cas. Là, maintenant, présentement, car s'il y a bien une grande découverte, elle est là, elle arrive, c'est celle du journal de l'histoire d'Anaïs Kien. Anaïs Kien, bonjour. Bonjour Xavier. La semaine dernière, j'étais une divinité. Cette semaine, je suis une grande découverte. Décidément, mon statut se dégrade. Non, il y a un hôtel votif à côté de mon bureau, Anaïs. Aujourd'hui, nous partons à la chasse au trésor. Les fouilles ont repris cet été près de Jérusalem sur les traces de l'Arche d'Alliance. L'objet évoqué presque 200 fois dans la Bible consisterait en un coffre contenant les tables de la loi dictées par Dieu à Moïse, ou Dieu lui-même, sait-on jamais. L'énigme est consubstantielle à l'objet et réjouit les amateurs de quêtes ésotériques. C'est peut-être d'ailleurs dans ce mystère à rebondissement que réside le trésor, un levier pour les imaginaires et l'exégèse. Trésor, les petites et grandes découvertes de l'archéologie, c'est le titre de l'ouvrage de Jean-Paul Demoule, archéologue émérite, fondateur de l'INRAP, c'est-à-dire de la politique archéologique française. Ses chroniques rédigées pour la revue Archaeologia pendant 4 ans sont ici rassemblées pour interroger l'archéologie et l'importance des découvertes pléthoriques des dernières décennies. Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'Arche d'Alliance, l'Arche perdue. Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche. Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche ? Voulez-vous vraiment savoir ? Si Jean-Paul Demoule évoque les similarités de son métier avec les embûches quotidiennes rencontrées par Indiana Jones, les étudiants enflammés, les collègues jaloux et les relations avec une administration indifférente, ses trésors sont bien souvent moins flamboyants que la mythique Arche d'Alliance. Les œuvres d'art célébrées dans les musées ne sont qu'une des pistes de l'archéologue moderne pour l'étude des sociétés, les nôtres et les autres, plus ou moins anciennes. C'est à Cuzco que fut fondé l'Empire des Incas qui s'étendait sur toute la cordillère des Andes. Il dura jusqu'à la conquête de Pizarro en 1531. Voici des monuments de pierre dont déjà au XVIe siècle, les Incas ignoraient l'origine et au sujet desquels ils ne pouvaient donner aucune explication aux conquérants espagnols. Ils représentent les vestiges d'une très ancienne civilisation. Le plus souvent, les découvertes majeures n'ont pas l'apparence d'un trésor. Grains de pollen, latrines, noisettes décortiquées, trous de poteaux. La compréhension de l'histoire par l'archéologie passe par de minuscules indices qui permettent de restituer un mode de vie, des pratiques, la banalité d'un quotidien et de ses accidents, grands ou petits, qui le jalonnent. C'est pourquoi le contexte de la découverte archéologique est aussi précieux que l'objet trouvé pour en retracer le parcours, la signification, bref, pour établir des hypothèses fructueuse et lui donner le sens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est la différence de point de vue entre les archéologues et les pilleurs, les détectoristes. Les détectoristes s'intéressent à l'objet lui-même. Ils ont un peu le même point de vue que les archéologues du 19e siècle, alors que les archéologues d'aujourd'hui s'intéressent à l'objet dans son contexte, avec les autres objets non métalliques qui sont avec lui. Jean-Paul Demoule milite pour une meilleure connaissance publique de l'archéologie et de ses techniques, une meilleure compréhension de ses besoins, car ces enjeux sont sous-estimés. Les identités que se donne une nation passent aussi bien par la composition de l'ADN pour retracer les multiples migrations qui la composent, ou encore pour mettre en histoire l'obsession de la bataille d'Alésia, mais aussi pour exhumer ceux qui n'apparaissent pas dans les textes, comme ce lapis-lazuli retrouvé dans le tartre dentaire d'une femme, témoignage de son activité au sein d'un atelier dans l'enluminure médiévale. La diversité des trésors convoqués par l'archéologue plaide pour un musée d'archéologie nationale qui sortirait de la valorisation exclusive d'une vision exotique de l'intérêt du public pour l'archéologie grecque ou plus lointaine pour affirmer sa valeur. Un musée qui raconterait par l'archéologie ce qui s'est passé près de chez vous aussi. Et oui, près de chez nous, et vous avez raison Anaïs, de bien souligner, attention, le danger des poils à frire pour faire de l'archéologie, parce que ce n'est pas de l'archéologie, c'est souvent de la destruction de sites. Merci beaucoup Anaïs Kien. Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Demain, nous nous intéresserons à des histoires de rencontres. Oui, quand des hommes partent explorer le monde, ils rencontrent d'autres hommes. Et ben là, ça se passe bien où ? Pas bien. Demain, nous aurons le regard de l'historien Thomas Griot, mais aussi celui de l'écrivain Laurent Binet. Mais en vrai, l'historien est aussi un écrivain. Donc jusque-là, tout va bien. Il va pouvoir y avoir discussion. À demain pour le cours de l'histoire.